So today, 15th of June, year 2016, in Belgium, the international retreat, the first day, the opening ceremony. I very glad to see you all here, quite a number of the yogi want to learn the Vipassana meditation. Je constate qu'il y a pas mal de débutants dans la salle, des personnes qui viennent pour la première fois. Il est donc nécessaire que vous sachiez ce que l'on fait ici. En quoi consiste cette méditation que nous allons pratiquer ? Nous allons donc pratiquer la méditation Vipassana, qui est le cœur du bouddhisme Theravadin. Et nous allons pratiquer cette méditation dans la tradition de Mahasi Sayadaw. En réalité, il ne s'agit pas vraiment de la méthode du vénérable Mahasi Sayadaw, mais plutôt de la méthode du Bouddha lui-même, puisque cette méditation a été enseignée par le Bouddha dans un sutta intitulé le Mahasatipatthana Sutta. En quoi consiste cette méditation Satipatthana Vipassana que nous allons pratiquer ? En fait, cette méditation consiste à étudier la vie. Nous allons étudier la vie, étudier tous les phénomènes qui nous constituent pour les comprendre tels qu'ils sont réellement. Il est nécessaire de comprendre les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent tels qu'ils sont réellement. C'est la base de Vipassana. C'est le principe de base de Vipassana. Nous allons, à force de pratiquer, comprendre de mieux en mieux en quoi consistent ces phénomènes, et cela va nous permettre de développer les connaissances Vipassana. Les connaissances Vipassana, c'est tout simplement la compréhension très claire de ce en quoi consiste la vie. Nous allons nous efforcer au cours de cette retraite d'observer tous ces phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent, tels qu'ils se manifestent à l'intérieur de nous. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile de comprendre comment tout cela fonctionne. Mais ici, nous allons donc nous efforcer d'observer très attentivement notre corps et notre esprit. Et nous allons le faire dans le but de voir comment tout cela fonctionne réellement. Il faut savoir que si le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, la vie sera harmonieuse. Si le corps et l'esprit ne fonctionnent pas ensemble, ne sont pas accordés, il y aura des problèmes dans la vie. Et si le corps et l'esprit sont complètement séparés l'un de l'autre, qu'ils ne fonctionnent plus du tout ensemble, c'est la mort. Ici, nous allons donc observer très attentivement ces phénomènes physiques et mentaux à l'intérieur de nous pour voir comment tout cela fonctionne. Et en conséquence, nous pourrons comprendre en quoi consiste la vie. Il faut comprendre qu'il y a trois sortes de vérités. La première se dit en pali « Samuti Satcha ». La deuxième se dit en pali « Paramata Satcha ». Et la troisième se dit en pali « Arya Satcha ». Satcha veut dire « vérité ». La première vérité, Samuti Satcha, c'est donc la vérité conventionnelle. C'est celle qui s'appuie sur des concepts. Tout ce à quoi on peut donner un nom est un concept. Depuis que nous sommes tout petits, bébés, on essaye de nous faire comprendre au niveau des concepts. On nous apprend tout au niveau des concepts. Tout reçoit un nom et on nous apprend cela tout au long de notre éducation. Dans la vie ordinaire, tout est basé sur les concepts. Mais ces concepts n'est pas la réalité. Ils ne sont là que pour permettre la communication. En réalité, cette première forme de vérité ne concerne pas Vipassana. La deuxième sorte de vérité, c'est Paramatta Satcha, la vérité ultime, la réalité. C'est le corps et l'esprit, cette réalité ultime, ce sont les phénomènes physiques et mentaux. Nous allons étudier cette réalité ultime. Il y a l'esprit, c'est citta en pali, les formations mentales, c'est cetasika en pali, et les phénomènes matériel, physique, c'est Rupa Empalé. Et nous allons étudier ces catégories d'esprit de matière au cours de notre méditation. Nous allons les observer très attentivement, de façon séparée, c'est Paramata Satcha, la réalité ultime. La troisième sorte de vérité, c'est Nibbana. Nous n'avons pas encore expérimenté Nibbana, mais à la fin du chemin Vipassana, nous sommes susceptibles de pouvoir expérimenter Nibbana. Nibbana, c'est la fin du parcours. On dit dans les textes qu'il y a quatre réalités, Citta, l'esprit, Cetasika, les propriétés mentales, les formations mentales, Rupa, la matière et Nibbana. Ariya Satcha, c'est donc la noble vérité. On appelle cela la noble vérité parce que ce sont les êtres nobles qui les ont réalisés. Ariya veut dire noble. Un être noble va donc comprendre les quatre nobles vérités. La première, c'est la noble vérité de la souffrance. On dit en pali, Dukkha Satcha. C'est comprendre que le monde, les phénomènes physiques et mentaux sont souffrance. La deuxième noble vérité, c'est comprendre la cause de la souffrance, Samudaya Satcha. Pourquoi y a-t-il souffrance? La troisième noble vérité, c'est la libération, la cessation de la souffrance, Nirodha Satcha. Et la quatrième noble vérité, c'est le moyen qui permet d'atteindre la libération de la souffrance, Magga Satcha. La personne qui expérimente ces quatre nobles vérités, qui comprend ces quatre nobles vérités en profondeur, est une personne noble, un Arya. Et c'est le but final de notre pratique. Lorsqu'on pratique Vipassana, nous allons nous efforcer de comprendre Paramata Satcha, la réalité ultime. Lorsque notre compréhension de Paramata Satcha aura atteint son point culminant, nous allons expérimenter Nibbana et nous allons comprendre en profondeur les quatre nobles vérités. Nous serons alors devenus des êtres nobles. Pour devenir un être noble, un Arya, et donc réaliser Nibbana, il n'y a qu'un seul chemin, nous dit le Bouddha, Ekayano. Un seul chemin pour purifier son esprit, pour se libérer de la souffrance physique et mentale, pour atteindre le chemin et réaliser Nibbana. Il n'y a qu'un seul chemin. Aujourd'hui, nous allons commencer à cheminer sur cette voie. Comment allons-nous procéder? Nous allons essayer d'être attentif de façon continue à tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de nous. L'esprit doit rester fixé sur ces phénomènes au moment précis où ils se manifestent. Mais ceci est très difficile, car la nature de l'esprit, c'est de vagabonder. Nous allons donc devoir nous entraîner à rester dans l'instant présent. Ce n'est qu'à cette seule condition que nous pourrons réussir à comprendre ces phénomènes physiques et mentaux, à comprendre comment ils fonctionnent réellement. Il nous faudra, pour y arriver, de l'attention, de la concentration et de l'effort. Nous allons essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, au moment précis où cela se manifeste. Mais c'est très difficile d'y arriver. Car la nature de l'esprit, c'est de vagabonder. Il faut savoir que sans objet, l'esprit n'apparaît pas. Car l'esprit expérimente l'objet, c'est ce qui expérimente l'objet. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'esprit. Comprenons donc que nous devons donner à l'esprit un objet approprié. Si nous ne lui donnons pas un objet approprié, l'esprit va prendre n'importe quoi. Ici, nous apprenons la méditation, dans le but de comprendre le corps et l'esprit. Nous devons donc donner à l'esprit des phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Ce sont ces phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent, qui seront pris comme objet d'attention lorsqu'on pratique Vipassana. Dans le Mahasatipatthana Sutta, il est question de quatre fondements pour l'attention. Le premier fondement pour l'attention, c'est le corps physique. Le deuxième fondement, ce sont les sensations. Le troisième fondement, c'est l'esprit. Et le quatrième fondement, c'est tout ce qui n'appartient pas aux trois premiers fondements. On appelle ce quatrième fondement les dhammas. Ce sont tous les contacts sensoriels, tout ce que nous expérimentons dans le corps et dans l'esprit. Nous devrons donc observer ces quatre catégories d'objets et nous devrons choisir chaque fois celui qui est le plus prédominant. Et comment allons-nous observer lorsqu'on pratique Vipassana? Faites attention car ceci est très important. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut observer l'objet qui est devenu prédominant. Si l'on observe beaucoup d'objets à la fois, ce sera difficile. En réalité, ce n'est pas possible. Cela va amener la confusion. Mais ici, il est justement question du contraire, de la claire compréhension. La claire compréhension, c'est comprendre correctement de façon précise. C'est pour comprendre correctement et de façon précise qu'il ne faut choisir qu'un seul objet à la fois. On choisit celui qui est le plus prédominant. On peut illustrer ceci par l'exemple suivant. Imaginez qu'il y ait là beaucoup de livres, vous pouvez tous les voir, oui, mais si vous voulez les comprendre, il faudra que vous les lisiez un par un. C'est impossible d'entrer dans la signification et la compréhension de ce qui se trouve dans ces livres si on les lit tous à la fois. Ici, c'est la même chose. Vous ne pourrez pas comprendre clairement les phénomènes physiques et mentaux qui sont en vous si vous les observez tous à la fois. Il est nécessaire de les observer l'un après l'autre, un seul à la fois. De cette façon, vous allez pouvoir comprendre facilement comment cela fonctionne. Nous devons donc donner à l'esprit un objet approprié, sans quoi il va se mettre à vagabonder. En posture assise, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen qui sont le meilleur objet. Ces mouvements sont provoqués par les inspirations et les expirations. À l'inspiration, il y aura soulèvement de l'abdomen. À l'expiration, il y aura abaissement de l'abdomen. Le corps physique est fait de quatre grands éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Parmi ces quatre, c'est l'élément air qui est le plus visible en posture assise. C'est le mouvement. Si nous observons le mouvement de l'abdomen, nous observons le corps physique. Vous devez respirer de façon naturelle. De cette façon, les mouvements seront naturels également. Vous observez donc le mouvement et chaque fois, vous l'étiquetez mentalement. Vous notez soulèvement lorsque vous ressentez le mouvement vers le haut, abaissement lorsque vous ressentez le mouvement d'abaissement. Vous étiquetez ainsi ces phénomènes pour maintenir votre esprit fixé sur ces objets. Vous devez observer ces soulèvements et ces abaissements de façon continue et chaque fois vous devez les étiqueter mentalement pour que votre esprit reste fixé sur l'objet, qu'il observe le soulèvement et ensuite l'abaissement pendant toute la durée du processus. De cette façon, vous allez petit à petit réussir à contrôler votre esprit. Lorsque vous pratiquez, vous devez maintenir le corps bien droit. La tête également doit être maintenue bien droite. Vous devez respirer de façon naturelle. De cette façon, les mouvements dans l'abdomen seront naturels également. Vous fermez les yeux, car ce n'est pas avec les yeux que vous allez observer, vous observez avec l'esprit. Vous allez donc observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen tel qu'il se manifeste normalement. Vous allez le faire pendant 15 minutes de façon continue et chaque fois vous allez les étiqueter. Après une trentaine de minutes, il est possible que vous commenciez à ressentir des sensations douloureuses quelque part dans le corps, des engourdissements, de la chaleur, etc. Si ces sensations désagréables ne sont pas très fortes, ne vous en occupez pas. Restez sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, sur l'objet primaire d'attention. si ces sensations deviennent intenses et qu'il vous est difficile de rester sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen parce que ces sensations vous attirent toujours votre esprit, vous laissez tomber les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous ne vous en occupez plus et vous dirigez votre attention vers cette sensation désagréable. C'est comme si vous preniez un autre livre. Vous ne vous occupez donc plus de l'abdomen, mais vous dirigez votre attention vers la sensation douloureuse que vous allez observer très attentivement. Vous pratiquez alors le deuxième fondement pour l'attention, Vedana Nupassana. Vous observez attentivement cette sensation désagréable. Vous observez ce qui se manifeste, ce que vous expérimentez. Ce sera peut-être de la chaleur, du tiraillement, des pressions. Vous observez ce qui se manifeste sans rien modifier. Vous allez constater que cette sensation change constamment de forme. Par moments, elle s'intensifie. Par moments, elle diminue d'intensité. Elle se déplace, elle se transforme, elle devient autre chose. Vous expérimentez le changement au niveau de cette sensation désagréable. À un moment, elle va sans doute diminuer d'intensité et il vous deviendra de nouveau possible d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est le moment alors de revenir à l'objet primaire et vous recommencez à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen comme précédemment. Vous devez faire attention de ne pas oublier de noter et d'étiqueter. Car si vous oubliez de noter, automatiquement l'esprit va se mettre à vagabonder. Il va commencer à penser, à réfléchir, à faire des projets, à se souvenir. Tout cela, ce sont des vagabondages de l'esprit. Si cela se produit, vous devez en prendre conscience le plus vite possible. Vous devez savoir que votre esprit s'est envolé. Vous voyez que l'esprit est parti et vous le ramenez sur l'abdomen. Mais parfois, ce sera difficile de ramener l'esprit sur l'abdomen parce que les pensées sont très attirantes. Vous devez alors noter, penser, vagabonder, réfléchir, etc. Vous pratiquez alors Citta Nupassana, la contemplation de l'esprit. Vous êtes attentif à l'esprit qui pense, mais vous ne vous occupez pas du contenu de cette pensée. Il faut faire la différence entre l'esprit qui pense et l'objet de la pensée, le contenu de cette pensée. Lorsque vous pratiquez Citta Nupassana, la contemplation de l'esprit, c'est l'esprit qui pense que vous notez. La conscience, l'esprit qui pense. Vous notez deux ou trois fois, pensez, pensez, pensez, et ensuite vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si vous oubliez de noter soulèvement, abaissement de façon attentive, il est possible que ce soit la somnolence et la torpeur qui attaquent votre esprit. Vous avez une diminution de votre effort et en conséquence, vous commencez à ne plus voir l'objet très clairement. Vous devez faire très attention alors et noter cet esprit qui somnole. Vous notez somnolence, somnolence. Vous essayez de noter la somnolence de façon très pénétrante et très attentive. En réalité, cette somnolence vous empêche de progresser. Vous devrez donc faire un effort tout particulier pour la surmonter. Cette somnolence fait partie de Dhamma Nupassana, la contemplation des Dhammas. Votre esprit est devenu paresseux, il se laisse aller parfois à cette somnolence. Mais ceci n'est pas bon. Vous devez récupérer la vivacité de votre esprit et noter de façon pénétrante, de façon à pouvoir de nouveau progresser. Voilà, c'était les instructions pour la méditation en posture assise. Vous avez donc compris comment vous devez faire, comment vous devez observer les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de vous. Il y aura tout d'abord les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est l'objet primaire. Puis il y aura les sensations désagréables, viennent ensuite les pensées, les réflexions, toute l'agitation de l'esprit, et enfin la somnolence et la torpeur. Ces deux derniers facteurs sont très fréquents, ils attaquent tous les méditants. N'oubliez donc pas d'être toujours attentif, quel que soit l'objet qui se manifeste. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ou bien l'un ou l'autre de ces objets qui viennent d'être mentionnés. Soyez toujours dans l'instant présent et observez ce qui est prédominant. C'est de cette façon que vous allez pouvoir construire votre concentration en posture assise. Demain, je parlerai de la marche. Le plus important, c'est donc de toujours rester dans l'instant présent, d'observer de façon continue, avec effort. Yes, so wish you all, may you all be well and happy, enjoy the Vipassana meditation to get the progress to understand the reality of our life. Sadhu, sadhu, sadhu.